tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, Le Grand Paris, une série documentaire de Nicolas Jox réalisée par Manouchak Fachaï. Au départ de cette série, il y a une ville qui grandit depuis des siècles. Et ce concept tout neuf de Grand Paris, brandi comme un programme, un rêve de mégapole, d'expansion urbaine, mais peut-être aussi d'utopie cauchemardesque. Mais surtout, il y a l'envie de savoir ce qui se cache derrière les mots. Des gares, des entreprises, des chantiers, mais surtout des visions politiques qu'il faut explorer et les besoins des habitants qu'il faudrait entendre. Et il y a cette histoire d'une cité née sur une île au milieu de la Seine, une ville gauloise conquise par les Romains, traversée par l'histoire, des Vikings à la Commune en passant par la prise de la Bastille et les cortèges royaux, une ville et son métro, ses bus, ses RER, sa proche et sa lointaine banlieue, et nos vies ordinaires qui la traversent. Alors pour commencer, les personnages. Des touristes, des Celtes, un empereur romain, le roi Philippe Auguste, deux historiens, des colonisateurs, des conquérants, un baron préfet, des révolutionnaires, des géographes et Gervaise. Ensuite, le décor, des pièces de monnaie, la Gaule, un peu d'accordéon, un petit bourg commerçant, des axes urbains pour structurer l'espace, des thermes, une ville médiévale hyper dense et le quartier de la Goutte d'Or. Aujourd'hui, premier épisode, on arrive devant Notre-Dame. Alors ici, nous nous trouvons sur l'île de la Cité, au pied de Notre-Dame, qui est le cœur historique de la ville de Paris, le cœur à la fois géographique, mais c'est aussi le centre d'un questionnement pour nous, archéologues. La question gauloise, évidemment, rejoint celle des origines, parce qu'on considère, depuis César, que Paris est l'héritière de Lutèce, ville nommée pour la première fois, qui rentre dans l'histoire grâce au texte de César, dans ses commentaires de la guerre des Gaules. Gallia est omnis divisa in partes tres. La Gaule est, dans son ensemble, divisée en 3 parties. Quarum unam incolunt belgae, aliam aquitani, dont l'une est habitée par les Belges, une autre par les Aquitains. Tertiam, donc habitée par ceux qui, ipsorum lingua, dans leur propre langue, s'appellent Celtes. Nostra est dans la nôtre, le latin, gaulois. Le Grand Paris, histoire d'une expansion urbaine. Le Grand Paris actuel, avec ses 10 millions d'habitants, a plus de 2000 ans d'histoire. Pour comprendre cet extraordinaire développement de la métropole, un libre survol historique peut être utile pour saisir certains moments charnières dans l'expansion de Paris. À chaque période vient s'ajouter une nouvelle strate d'urbanisation. Au fil des siècles, les pouvoirs en place encouragent ou s'inquiètent du développement de Paris, cherchent à en contrôler l'extension avec plus ou moins de réussite. Comment cette ville s'agrandit-elle? Comment repousse-t-elle ses limites? Et qui vient la peupler? Nous débutons cette exploration non exhaustive à l'époque des Parisiens, le peuple gaulois qui vivait dans la région parisienne au 1er siècle avant Jésus-Christ. Il y a un problème pour nous, c'est que César parle de Lutèce, parle du Nil sur la Seine. Julien Avinin, archéologue. Et la recherche archéologique a beaucoup de mal à confirmer ou en tout cas à avoir des preuves irréfutables de cette présence. Et depuis quelques années, on débat beaucoup entre nous, entre archéologues, de cette question, de savoir où était Lutèce. Et alors vous avez des indices sur la présence gauloise ici sur cette île? On a trouvé quand même des objets qui font état d'une présence des Parisiens. On a fait deux découvertes importantes au XIXe siècle, de statères en or, donc ce sont des monnaies en or gauloises du IIIe siècle avant Jésus-Christ. La première découverte a eu lieu en 1805, quai Malaquais, et la deuxième en 1846, lorsqu'on draguait la Seine. À ces occasions-là, on découvre plus d'une dizaine à chaque fois de ces monnaies en or. Donc ça, ce sont des premiers indices d'une occupation, en fait, là où se trouve Paris actuellement. Et là, on se pose toute la question du régime de la vérité en archéologie, c'est-à-dire qu'on n'a jamais trouvé une inscription portant le nom de Lutèce. Gallos, les Gaulois, ab Aquitanis garum naflum endividit, sont séparés des Aquitains par le fleuve Garonne, ab Belgis, et sont séparés des Belges, Matrona et Sequana, par la Marne et la Seine. C'était des villes, c'était des gros villages. L'oppidum dont parle César, quel aspect avait-il ? Un oppidum, c'est une place forte de tradition celtique qu'on retrouve dans le monde celte de cette époque. C'est une place fortifiée par une levée de terre et un fossé, dans laquelle on peut retrouver des habitations, de l'artisanat, c'est un lieu de commerce, mais c'est avant tout un lieu pour se protéger en cas d'agression. On a très peu de villes structurées avec un réseau viaire dans le monde celte de cette époque-là. Il faut imaginer pour ces villes gauloises ou disons ces oppidums l'apparence d'un petit bourg fait d'architecture légère, c'est-à-dire en bois, en torchis, avec des toits de chaume. Mais qui avait aussi des activités artisanales, il y avait une spécialisation. Alors, par quartier. Voilà, ce sont des petites bourgades qui servent aussi de centre économique, d'échange, comme un marché de l'ancien régime, quoi. C'est-à-dire que c'est là qu'on se retrouve de façon occasionnelle pour échanger, pour commercer. Dans le cas de Paris, ce sont aussi des lieux de passage sur des grandes voies économiques qui dépassent le simple cadre local. Et puis ce sont bien sûr des lieux de regroupement en cas d'attaque. Voilà. Donc c'est un mélange de plusieurs fonctions en fait. Rome triomphait partout. Les peuples d'Europe, d'Afrique et d'Asie s'inclinaient devant son pouvoir et subissaient son charme. Sa puissance défiait les siècles. Après la conquête, en 52 avant Jésus-Christ par César et son général Labienus, on doit imaginer une petite période qu'on appelle la transition entre la fin de la période celtique et la création véritablement de la ville romaine. Une cinquantaine d'années environ se passent, et au début de notre ère, donc sous Auguste, on a l'implantation d'un urbanisme, d'un véritable urbanisme classique, qui s'organise autour d'un carroyage de rues orthogonales, avec des pâtés de maisons réguliers, etc. Cet urbanisme se met en place au milieu du règne d'Auguste, très probablement au tout début de notre ère, puisqu'une fouille qui a eu lieu rue de la Cité a permis de dater l'installation du Cardo Maximus, c'est-à-dire l'épine dorsale de ce carroyage, de cet urbanisme, qui est le grand axe nord-sud lié autour duquel s'articulent les villes romaines. Et ce Cardo a été daté de 3 après Jésus-Christ au niveau de ce franchissement de l'île de la Cité. Voilà. Il y a une vraie volonté d'organisation de l'espace. Là, nous sommes dans l'hôtel de Cluny, qui s'est construit appuyé sur certaines structures, notamment la salle du Frigidarium des Thermes. Et l'une des plus belles choses lors de la visite de Cluny, pour le visiteur qui nous rejoint, c'est cette connexion entre les deux architectures médiévales et romaines, qui se voit très très bien dans l'espace. On va le voir dans quelques instants. Vous voyez, on sort de l'hôtel, là, et nous avons des parements romains. Nous sommes dans une des salles chaudes, un ancien caldarium des Thermes de Lutèce. Isabelle Bardiès-Fronty, conservatrice au musée de Cluny. On voit donc des murs romains déjà. Ici, ce sont des parements romains. Alors après, c'est à gauche. Lutèce est conquise, comme beaucoup d'autres villes de la Gaule romaine, par Jules César. Et cette expansion territoriale s'accompagne d'une formidable campagne d'urbanisation, puisque dans un geste qui est un héritage complet de la civilisation hellénistique, Alexandre n'a pas procédé autrement lors de ses grandes conquêtes. Il s'agit, une fois qu'on occupe le territoire par les armes, de très vite faire acculturation sur le territoire occupé pour fonder une véritable incarnation de la présence romaine dans le territoire conquis. J'appelle ça la marque de Rome. Donc il s'agit de construire très vite, sans pour autant annuler la ville préexistante, qui a des allures de ville gauloise, les dispositifs qui incarnent le pouvoir romain. Un dispositif politique, un forum, avec les monuments juridiques et commerciaux qui vont avec un forum, une basilique, des portiques pour les échoppes. Ce forum se trouve à l'endroit actuel de la place du Panthéon, sur la montagne Sainte-Geneviève. Un dispositif religieux, évidemment, des monuments qui sont des monuments à l'incantation des divinités gréco-romaines et qui vont, par ce qu'on appelle le syncrétisme, rejoindre certaines divinités du Panthéon gaulois. C'est une action politique très forte d'acculturation de l'endroit où on arrive. Et ça marche quand on touche l'intime. Et pour toucher l'intime, qu'est-ce qu'on fait ? On construit des monuments de loisirs, mais qui sont beaux, très profonds dans le sens de loisirs, au premier rang desquels les théâtres, puisque dans les théâtres, il y a un répertoire. Et ce répertoire se réfère à l'histoire extraordinairement ancienne et extraordinairement lumineuse de la mythologie gréco-romaine, pour montrer qu'on est une civilisation qui vient de très loin. Il y a bien sûr les endroits de jeu divers et variés, notamment l'amphithéâtre, qui est emblématique de la civilisation romaine. Et puis, il y a les thermes. Ces thermes incarnent particulièrement bien, avec les autres monuments que j'ai cités rapidement, ce que j'appelle le Roman Way of Life. C'est-à-dire qu'on montre à la fois la force de Rome par la splendeur des monuments, la monumentalité de ceux-ci, d'une ville de torchis et de pans de bois à une ville en pierre avec des enduits peints, décorés, ornés de sculptures qui sont des copies d'œuvres très anciennes qui viennent du monde grec. Et finalement, ces Gaulois deviennent romains à la vitesse. C'est stratosphérique quand on y pense, parce qu'on n'est pas dans les communications d'aujourd'hui. Et la diffusion de cette culture se joue très vite, grâce principalement au génie de l'architecture des Romains. Ils ont, par leur technique d'architecture simple, concrète, de la terre cuite, des moellons de calcaire, ce qu'on appelle l'opus mixtum, la possibilité de faire vite et bien des monuments en grande élévation, qu'ils décorent somptueusement. Du coup, ils éblouissent, et cette formule architecturale va très au-delà d'une simple histoire technique. C'est une histoire politique. Nous nous trouvons précisément dans la salle froide des thermes de Lutèce. Il y a un principe de base, il faut qu'il y ait une alternance entre des salles chaudes et des salles froides. Des salles chaudes, qui sont appelées des caldarias, sont chauffées par le sol ou par les parois verticales par un système d'air chaud qui est impulsé. Il y a des foyers en sous-sol, on obtient environ une trentaine de degrés dans une salle, ce qui est déjà pas mal. Et la salle froide, elle est froide naturellement. Et c'est là qu'on aménage, qui est ici, une piscine dans laquelle on descend par quelques escaliers. À l'étage, parce que les thermes ont plusieurs étages, il y a tout un tas de salles, des restaurants, des petites bibliothèques, des endroits pour aller faire l'amour aussi, ça on le sait, hein, parce que les moralistes disent bien que ça, c'est des lieux de rendez-vous. Donc c'est vraiment un lieu de plaisir au sens très large du terme. C'est un lieu de rencontre important. On y signe des contrats commerciaux, hein, très certainement. Alors, toutes les salles des thermes sont fondées sur une monumentalité des salles pour l'usager. Nous en avons un exemple absolument saillant ici, avec une voûte dont la clé se trouve à 14,60 m. C'est une voûte qui est exceptionnelle puisqu'elle est d'origine. C'est extrêmement rare, même dans tout l'Empire romain. Il y a peu de Romains dans Lutèce, elle n'est pas assez importante. Il y a un noyau administratif, il faut quand même que le pouvoir soit tenu, mais le relais romain, italien, pour dire les choses simplement, est sans doute une part très très minoritaire de la population, parce qu'il ne pouvait pas être partout. Vous pouvez aller voir un peu par là ? Oui, bien sûr. Alors, le sol que vous voyez est d'origine, mais tout autant écorché que ce que vous voyez au mur et sous la voûte, c'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'on ne marchait pas sur ce sol-là. Le sol d'origine, c'est émouvant, et c'est la partie préparatoire de ce qui devait être un beau sol de marbre. Cet espace vide n'était pas vide et devait être orné de belles sculptures. Vous voyez un petit peu, on est en train d'en mettre plein la vue. C'est l'effet waouh pour celui qui arrive, le gallo-romain qui rentre pour la première fois. Il se dit waouh, finalement avoir été conquis, c'est pas mal parce qu'ils savent vivre. C'est ça l'idée, hein, il faut vraiment capter ça parce que c'est ça qui se joue. L'usager, lui, il avait son vestiaire de plein pied. Alors il arrivait comme on rentre aujourd'hui dans la cour du musée probablement. Hein, l'entrée générale devait se faire en connexion avec le forum, c'est-à-dire vers le sud pour nous, en regardant le Panthéon. Au début du IVe siècle, Lutèce prend le nom de Paris, la ville des Parisis. Avec les premières grandes invasions, Paris se replie sur l'île de la Cité où des remparts sont érigés. Avec la chute de l'Empire romain au Ve siècle, la ville est conquise par les Francs. Clovis, en 508, fait de Paris le siège de son royaume. Difficile alors de suivre le développement de la ville au cours du Haut Moyen-Âge. Les sources se font plus rares. Mais avec l'arrivée des Capétiens à la fin du Xe siècle, Paris redevient le centre du domaine royal. Le règne de Philippe Auguste est un tournant donc à la fin du XIIe siècle, au début du XIIIe siècle. Et la ville de Paris, au XIIe siècle, commence sans doute une nouvelle phase. D'abord parce qu'il y a une grande mutation qui est le basculement de la rive gauche à la rive droite, entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. Hélène Noiset, historienne. Et ça s'est fait quelque part au cours du haut Moyen-Âge, donc l'époque mérovingienne, carolingienne. Et au XIIe siècle, c'est acquis. C'est-à-dire que la rive principale, la centralité urbaine, elle est sur la rive droite, ce qui n'était pas le cas donc à l'époque antique. Et on le voit bien parce que la première enceinte proprement médiévale de Paris, elle est que sur la rive droite. Évidemment, il y a l'île de la Cité qui concentre les deux principaux pouvoirs que sont le roi et l'évêque. Le roi à l'ouest dans son palais et l'évêque à l'est dans sa cathédrale et avec le quartier canonial donc du chapitre de Notre-Dame. Il y a des quartiers très densément habités. Bordure de Seine, près du Châtelet, près de la place de Grève, qui est donc aujourd'hui la place de l'Hôtel de Ville et qui était le principal port. On sait qu'autour du Châtelet, on peut avoir des densités de 1400 habitants par hectare, alors qu'aujourd'hui, on est entre 300 et 700 habitants par hectare dans ces quartiers centraux. Spatialement, il y a un mélange entre les différents niveaux sociaux beaucoup plus importants qu'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il y a une mixité sociale et une proximité sociale. Mais par contre, vous avez dans une même rue des hôtels aristocratiques très cossus ou très, très riches qui vont voisiner des maisons tout à fait ordinaires et de niveaux sociaux tout à fait modestes. Et donc en fait, il faut imaginer un bâti. Des constructions qui sont faites essentiellement en pan de bois et plâtre, c'était une des caractéristiques de l'architecture ordinaire de Paris, les maisons en plâtre. On a donc une architecture qui est très présente, très envahissante dans l'espace public, ce qui donne donc des rues qui sont peu aérées, où la lumière aussi passe peu, et qui sont des rues très animées. Pour se signaler, il y a des enseignes qui sont accrochées quasiment à toutes les maisons. Donc c'est un petit peu la carte d'identité de chaque maison. Donc il faut imaginer, la rue n'est pas qu'un espace de circulation. C'est aussi un espace non seulement de vie, mais même qui est ouvert sur l'architecture intérieure. Parce que chaque artisan qui travaille dans sa maison, il a le plus souvent une maison qui est faite d'une grande pièce, où il y a à la fois l'atelier de production et souvent ce qu'on appelle l'ouvroir, qui a parfois une devanture, une fenêtre ouverte sur la rue pour pouvoir vendre ses produits aux chalands, donc au public qui passe dans la rue. Et c'est très important que l'on puisse voir ce qui se passe à l'intérieur des maisons. Au début de la période, on a une maison qui n'occupe pas du tout toute la surface de la parcelle, qui est plutôt près du bord de rue, en front de rue. Et à l'arrière, il y a souvent des espaces non bâtis, donc cours, jardins. Et la part des espaces cultivés dans la ville du XIIe siècle est encore très importante. C'est-à-dire qu'on cultive beaucoup. Il y a notamment des jardins potagers dans quasiment plus ou moins chaque habitation qui entrent pour une bonne part dans la production nécessaire à la consommation donc familiale de chaque famille. Il y a un changement important qui intervient justement alors, à partir du milieu du XIIe siècle et qui va durer jusqu'au milieu du XIIIe siècle. C'est le drainage de l'ancien bras de Seine. L'ancien bras de Seine, qui était devenu une zone humide, donc la Seine avait un ancien tracé qui passait tout au nord de la ville, qui n'existe plus déjà quand les Romains s'installent, mais qui est resté sous la forme d'une zone humide. Et ben, les chanoines de Sainte-Opportune, qui en sont les seigneurs, décident de la drainer et ils décident de l'exploiter pour en faire de la culture. C'est finalement une culture potagère et maraîchère qui va se développer là et qui va en gros alimenter le marché parisien en légumes verts, en produits frais pendant tout le Moyen-Âge et même l'époque moderne. Et donc le fait qu'il y ait une espèce de ceinture verte maraîchère, eh ben ça libère la pression foncière, j'allais dire, au sein de chaque parcelle. C'est qu'effectivement, on peut légitimement commencer à construire de façon beaucoup plus dense sur chaque parcelle. Il y a des opérations de lotissement volontaire, planifié, qu'on peut observer chez des seigneurs. Par exemple, l'ordre du Temple, au XIIIe siècle, lotit, découpe, organise tout l'espace du côté de la rue des Rosiers actuelle. Et puis ensuite, le seigneur, à ce moment-là, en général, le plus souvent, prévoit le dessin des rues, ce qui délimite des îlots. Le plus souvent, à l'intérieur des îlots, les parcelles sont découpées au gré à gré avec des tenanciers ou des hôtes, c'est-à-dire des gens qu'on va faire venir et qui vont s'installer là. Et c'est eux qui vont construire la maison. Philippe Auguste était parisien de naissance. Il a donné maintes preuves de son attachement à sa ville natale. Et c'est probablement le roi de France qui a le plus fait pour elle. Bien que sans cesse en déplacement, comme tous les souverains du Moyen-Âge, il s'y arrêtera et même y résidera souvent. Sous son long règne de 43 ans, 1192-123, Paris s'affirme comme centre du gouvernement et capitale du royaume, et le souverain entend accorder la ville à son destin. L'affirmation du pouvoir royal, elle commence vraiment au XIIe siècle avec une série de souverains, Louis VI, Louis VII et surtout Philippe Auguste, qui vont vraiment implanter de façon durable le pouvoir royal à Paris. Et on peut dire que Paris devient la capitale du royaume de France à ce moment-là. Et Philippe Auguste est sans doute le moment tournant. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que ce n'était pas le cas auparavant. Les rois mérovingiens, donc Clovis et ses descendants, ont beaucoup résidé à Paris. Ils ont fondé beaucoup d'églises et des fameuses, Sainte-Geneviève, Saint-Germain-des-Prés. Mais Paris n'était pas leur capitale, dans le sens où ce n'était pas leur résidence principale et exclusive. Ils avaient un tas d'autres résidences. Et puis alors ensuite, il y a eu l'époque carolingienne. Le pouvoir royal carolingien est quasiment absent de la ville au 8e, 9e, 10e siècle. Et ça a un effet, c'est que c'est le moment où, en fait, d'une certaine manière, les seigneurs définissent leur pouvoir et s'approprient le sol. C'est à ce moment-là que les grands seigneurs, principalement ecclésiastiques, par exemple l'évêque, les grandes abbayes comme Saint-Germain-des-Prés, Sainte-Geneviève, s'approprient le sol et deviennent les seigneurs, effectivement, donc à la tête de grands domaines fonciers. Donc à une époque où le roi n'est pas là. Et quand, ensuite, changement de dynastie, les Capétiens prennent le pouvoir, ils arrivent à une époque où, d'une certaine manière, le gâteau urbain est déjà partagé entre les différents seigneurs. Le pouvoir royal, autant il n'arrive pas à avoir une grande seigneurie, et donc il n'a pas beaucoup de sol urbain, donc il ne peut pas installer beaucoup de dépendants, de tenanciers qui dépendent de sa censive. Par contre, il va plus ou moins récupérer une grande partie de l'exercice de la justice dans l'espace public. Philippe Auguste, sur le point de partir pour la croisade, il commande aux bourgeois de Paris que la cité qu'il avait si chère fut toute fermée de hauts murs et forts, et tournelles tout entour bien assises et bien ordonnées, et portes hautes et fortes et bien défendables. Là, nous sommes précisément sur le boulevard Saint-Germain, au carrefour de l'Odéon, et on se dirige vers un des vestiges de l'enceinte de Philippe Auguste, puisque sur la rive gauche, on suit assez bien, très bien même, le tracé de cette enceinte, qui est dans l'alignement des rues Monsieur Prince et rue Mazarine. Et on a en fait rue Mazarine à plusieurs endroits l'occasion de l'apercevoir, cette enceinte. Il y a plusieurs vestiges visibles, donc il y en a un là qui se trouve dans un restaurant dans le passage Mazet. Entre vous. Bonjour monsieur, bienvenue. C'est bien l'enceinte de Philippe Auguste ? C'est cela même. C'est une tour entière qui fait 16 mètres de haut et elle a été restaurée pour le bicentenaire de la Révolution française. La spécialité de la maison, c'est le chocolat chaud, mais c'est aussi le remplacement de la tour d'enceinte de Philippe Auguste. L'enceinte de Philippe Auguste, c'était une muraille classique, comme on imagine les murailles du Moyen-Âge, c'est-à-dire c'était une paroi verticale qui pouvait faire jusqu'à plus de 10-12 mètres de haut, et qui est vraiment le principe d'une paroi qu'il faut assiéger, donc il faut, sur laquelle il faut grimper si jamais on veut la prendre. On est à une époque où les moyens militaires ne permettent pas de faire des brèches, des trous facilement comme ça dans un gros mur. Donc il y avait des tours qui étaient espacées à peu près régulièrement tous les 60 mètres sur l'enceinte de Philippe Auguste. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait important parce que ça permet de visualiser le pouvoir du roi. Ça permet vraiment de le rendre tangible et manifeste aux yeux de tous. C'est-à-dire que tous les passants, tous les habitants peuvent toucher presque le pouvoir du roi par cette enceinte. N'oublions pas enfin que tout le long de son règne s'achève l'actuelle basilique de Notre-Dame et que sur les rampes de la rampe de la montagne Sainte-Geneviève se concentre un monde d'étudiants venus de tous les pays de la chrétienté et en passe de former avec leur maître cette université dont on vient de vous narrer la naissance et la première croissance. Dans la politique royale, dans l'expansion de la ville, il n'y a pas une pensée à proprement parler urbanistique comme pour nous. Par contre, il y a une volonté, il y a une conscience tout à fait de l'intérêt à développer la ville, ses activités, la population. Et donc on prévoit l'extension des bourgs, notamment il y a un accord très important entre le roi et l'évêque en 1222. Et on prévoit tout à fait la formation de nouveaux bourgs. Et on ne cherche pas à régler la matérialité urbanistique de ces bourgs. Par contre, ce qui est capital, c'est de savoir qui sera le seigneur. Là, on prévoit que des bourgs neufs pourront être fondés et à chaque fois, on définit la juridiction seigneuriale sur ces bourgs. La ville poursuit son développement. Au XIVe siècle, elle est la plus importante ville d'Europe. Capitale du royaume, siège de l'administration, une bonne partie de la noblesse y élit domicile. Mais en 1348, la peste noire se déclare à Paris. un tiers de la population succombe. La ville connaîtra d'autres épreuves lors des guerres de religion. Violence, siège, famine, la population de la capitale recule à nouveau. Le développement urbain reprend au XVIIe siècle. Paris redevient l'une des plus importantes villes d'Europe et ne cessera plus de croître. Ville industrieuse et commerçante, Paris s'agrandit. Le pouvoir royal tente alors d'en contrôler l'expansion. Est-ce qu'on peut dire qu'au XVIIIe siècle, Paris est une ville en expansion ? Paris se transforme ? Alors sans aucun doute, oui, Paris se transforme, Paris grandit, à la fois en termes démographiques et en termes de superficie. Yuri Carbonnier, historien. On considère qu'au début du XVIIIe siècle, on a à peu près 500 000 d'habitants à Paris, donc c'est une des villes les plus importantes d'Europe, et à la fin du siècle, on est, alors là c'est beaucoup plus variable, mais disons entre 600 et 700 000 habitants. Donc il y a une croissance quand même relativement nette, et qui s'accompagne aussi d'une croissance territoriale qui se fait de façon un petit peu anarchique, c'est-à-dire que ce sont les faubourgs qui vont grossir de plus en plus, et puis qui est finalement entériné, on pourrait dire, par le pouvoir, par la création du mur des fermiers généraux à la toute fin de l'Ancien Régime. Il n'y a pas, et c'est un des problèmes d'ailleurs qui est soulevé régulièrement par les autorités, c'est qu'il n'y a aucune planification générale. Merci. Alors, on va se rendre au 18e étage, à la Bibliothèque nationale de France, au département des cartes et plans. Il y a des cartes à la feuille, il y a des volumes. Donc l'unité en elle-même, c'est quelque chose... Sur le 18e siècle, c'est une collection importante. C'est une collection très importante, qui bien sûr vient en partie du dépôt légal. Ce sont aussi évidemment les confiscations révolutionnaires qui sont fondatrices même de cette collection et de son identité. Ève Netchin, Bibliothèque nationale de France. Les bureaux des dons, des acquisitions, de la Société de géographie qui a déposé ses collections à la Bibliothèque nationale de France. Le bureau de la conservation. J'avais une première série de cartes qui sont des cartes, justement. Je pense que ce qui est intéressant, fin 17e, début 18e siècle, on a conscience qu'une ville n'est pas quelque chose qui s'est fondée une fois pour toutes, mais qui s'est développée dans le temps. Et donc, pour la première fois, on a des cartes historiques dans lesquelles il y a un essai extraordinaire, fondé sur des dépouillements d'archives, étonnant. Jean Boutier, historien. Et c'est intéressant parce que c'est un commissaire du Châtelet qui est chargé par Colbert de rédiger un traité de la police, c'est-à-dire en gros de réunir en plusieurs volumes, par grand thème, tous les textes royaux qui régissent l'administration urbaine. Il donne une idée de l'histoire de la ville de Paris pour arriver à cartographier Paris à différentes époques. Donc on a une image un peu enjolivée de la Lutèce gauloise. Bon là, je ne sais pas quelle source il a pu avoir. Mais après, dès lors qu'on arrive à Philippe Auguste, Charles V, François Ier, Louis XIII, etc., on a des plans très précis qui sont tout à fait intéressants. Il faut bien comprendre qu'au XVIIe et XVIIIe siècle, il n'y a pas de plan d'urbanisme de la capitale. C'est-à-dire que l'on n'a pas une idée claire et une intention politique adéquate pour faire de Paris une ville qui correspondrait à un modèle d'urbanisme que l'on aurait défini ou que des architectes, des intellectuels, des penseurs, des utilisateurs, des marchands, des économistes mettaient dedans tout ce qui peut s'intéresser à la ville, auraient défini. On n'a pas de plan d'urbanisme. Le problème que l'on peut se poser, si l'on regardait toutes les opérations qui ont modifié le tissu urbain, on se rend compte qu'il n'y a guère d'opérations royales, volontaristes. On n'a pas de Haussmann au XVIIe ou XVIIIe siècle. On est dans un système totalement différent. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, absolument pas. Le centre de Paris est très dense, on peut quasiment rien faire de nouveau. On a quelques éléments de changement, mais bon, c'est vraiment marginal. En revanche, on a toute une série d'opérations qui peuvent être menées soit par des spéculateurs. C'est un des premiers moments, je dirais, dans l'histoire parisienne où on a des initiatives immobilières faites par des gens, détenteurs d'argent. Un des acteurs, par exemple, extrêmement fameux et intéressant, c'est Jean-Joseph de Laborde. C'est un fermier général, donc un riche financier, qui est à l'origine, dans les années 1760, de ce qui va devenir la Chaussée d'Antin, nord-ouest de Paris, qui va devenir un des quartiers chics entre 1760 et 1830-1840. Voilà, c'est lui qui a l'initiative de la création d'un quartier, d'un lotissement. Oui, il rachète. Alors, on se rend compte qu'un certain nombre de couvents vendent leurs terres, pas forcément le couvent lui-même, mais les biens dont ils disposent. Il y a une spéculation immobilière, on construit, on ouvre des rues, on vend des terrains, etc. Voilà. C'est une initiative privée, par exemple, quasiment privée, qui est à l'origine du début des Champs-Élysées. 1724, à peu près, on a le prolongement dans l'axe Louvre-Jardin et Tuileries, de la rue qui arrive jusqu'à la place de l'actuelle place de l'Étoile. Initiative intéressante, on abaisse un peu la colline, on creuse, etc. Et on arrive là. Déjà, oui, une perspective de développement, et tout autour, on va voir des rues qui s'installent, des parcelles qui se vendent, des hôtels qui se construisent, etc. Le futur hôtel de l'Élysée, c'est dans ces années-là que ça se met en place. Donc Paris, en fait, est livré aux promoteurs. Est-ce que ce sont des promoteurs? Oui, enfin, oui et non. Le frère du roi, le duc d'Orléans. Donc, de la haute aristocratie, disons, certains individus détenteurs de gros capitaux qui réalisent de grosses opérations immobilières, dont certaines d'excellente qualité. Le Palais Royal... 1784, c'est la construction autour du Palais Royal, la résidence parisienne du duc d'Orléans, de ces trois grandes ensembles de bâtiments avec leurs 180 arcades au rez-de-chaussée, dans lequel vous avez un mélange d'appartements de luxe, si on peut dire, de commerce, de zones de jeu, de maisons de prostitution, enfin toute une série de... un lieu très actif et qui va connaître un lieu de haute ébullition, disons, durant les premières années de la Révolution française. Je ne sais pas si tu as sorti, Ève, le plan de Turgot, qui est marqué réserve, donc tu ne l'as peut-être pas sorti. Si, il est là, le réserve. Alors, on va avoir le... réserve, celui-là. Voilà, alors là, j'allais dire, nous allons arriver justement à ce fameux plan que je pense tous les Parisiens connaissent et beaucoup de gens connaissent pour l'avoir vu ou en entier ou en extrait. Il a vraiment pour fonction de donner la ville à voir. Faubourg Saint-Jacques, vous en voyez un certain nombre. Faubourg Saint-Antoine, donc vous voyez, ils sont très clairement. Faubourg Saint-Martin, Faubourg Saint-Denis, Faubourg Saint-Honoré. Donc, ils sont mentionnés. Ces faubourgs se développent le long d'axes routiers qui joignent Paris au, disons, noyau villageois, comme on dirait maintenant, périphérique. Hein, que vous auriez Ménilmontant, etc. Auteuil, Passy, bien. Ça donne une bonne idée, vous avez raison de regarder de plus près ces cartes. Ça donne une bonne idée de ce que c'est le faubourg. Le faubourg s'oppose au centre-ville en ce sens que c'est une zone peu bâtie qui permet d'avoir des immeubles qui, eux, se construisent tout le long des axes. Donc on s'étire le long de l'axe, en quelque sorte. Et derrière, vous avez des parcs, certains très beaux parcs aristocratiques. Je ne sais pas quelle est la magnifique résidence que nous avons là sur la rue de Montreuil. Mais vous voyez très bien, donc là vous avez un très beau parc, dans certains, si vous regardez plus en détail, vous auriez des zones maraîchères, là vous avez encore un autre parc dessiné à la française. Il y a la volonté de limiter l'expansion des faubourgs par la mise en place de bornes au-delà desquelles on n'a pas le droit de bâtir. Yuri Carbonnier. Et en fait, on commence en 1638, et puis on répète ça en 1674, et puis en 1724, puis en 1726, ce qui vous montre bien que la réalité, c'est qu'on a bâti au-delà, et donc à chaque fois, les autorités essaient de rattraper le coup, si on peut dire, en repoussant les bornes un peu plus loin. On a un peu l'impression que les autorités réagissent au coup par coup, et toujours un peu avec un temps de retard. Justement, est-ce que par rapport à cette expansion de la ville, le pouvoir monarchique s'alarme? Et est-ce qu'il décide aussi une stratégie de contrôle de la population? Alors oui, on s'alarme toujours de l'expansion de Paris. On trouve déjà que Paris est un monstre, ce qui est assez exact d'ailleurs, parce que par rapport au reste du royaume, c'est une ville monstrueuse. Et on s'alarme de son expansion encore plus grande. Et donc c'est l'un des objectifs de la création de la lieutenance générale de police, donc à partir de 1667, et de tout ce qui va avec, c'est-à-dire une organisation avec des commissaires de police qui ont chacun à leur charge un quartier dans lequel ils ont autorité sur un certain nombre de choses, en particulier le maintien de l'ordre. Ils ont des inspecteurs de police qui les aident dans ce travail, parfois avec des spécialisations. Donc vous avez un inspecteur qui va être plus spécialement chargé des pauvres, puisque on considère que les pauvres sont justement une de ces populations qu'il faut surveiller particulièrement parce qu'elles sont susceptibles de vite donner lieu à des rébellions. Peut-être très rapidement, je vous parle de police. Ça, c'est intéressant, c'est un atlas de police, justement. C'est-à-dire que c'est un ouvrage qui a été fait quartier par quartier, antérieur à Turgot, pour donner toutes les informations nécessaires à un inspecteur de police. On n'est plus du tout dans Turgot. Voilà. Vous avez à la fois la composition du quartier, qu'est-ce qu'il y a dedans, toutes les rues du quartier. Vous avez également ce quartier, par exemple. Là, on est... Attendez, je prends le titre. Nous sommes dans le... Non, c'est là. Normalement, il y a le titre là, voilà. Description du quartier de Saint-Denis avec ses rues et ses limites. Là, vous avez ici, je cite, « dénombrement des rues de ce quartier, avec leurs aboutissants, le nombre des maisons et des lanternes publiques contenues en chaque rue. » Pourquoi lanternes publiques ? Il va de la puissance publique d'allumer tous les soirs les lanternes qui vont permettre d'éclairer les rues. Donner une impression de sécurité assurée aux braves habitants. Ce quartier est bordé à l'orient par la rue de Saint-Martin, donc c'est une description du quartier, et par celle du faubourg, exclusivement au septentrion par le faubourg de Saint-Denis et de Saint-Lazare, inclusivement à l'occident par les rues de Sainte-Anne, des Poissonnières et de Montorgueil, inclusivement. Ils décrivent aussi des communautés, par exemple celle-ci, vous avez vu ? Communauté de filles appelées vulgairement les sœurs grises, sous le titre de filles de la charité, servantes aux pauvres malades, aux prisonniers et pour l'instruction des jeunes filles. Savoir, vous avez une description plus précise, des deux ou trois implantations de ce couvent dans le quartier. Donc voilà, ça c'est fait en 1715 et c'est commandé par le lieutenant général de police. Donc on a bien une population contrôlée. Les archives de police sont extraordinaires. Arlette Farge, l'historienne bien connue, a exploité ça en montrant très très bien la masse extraordinaire d'informations que collectent ces policiers-là. On n'a pas d'activité politique au sens où on l'entendrait maintenant, mais la contestation, ça passe par exemple par des chansons, par des réunions, des propos de taverne, etc. On a une information extraordinaire sur ce genre de choses, sur ces circulations orales qui nous montrent les satisfactions et les insatisfactions du peuple de Paris. Quand on songe qu'il y a à Paris près d'un million d'hommes entassés, il y a vraiment de quoi frémir sur la future subsistance de ce peuple. Alors l'existence de cette superbe ville paraît absolument précaire, car plusieurs causes isolées, qui n'ont pas besoin d'être réunies, peuvent y faire entrer la famine, sans compter les autres fléaux qu'elle peut essuyer politiquement. Il est bien sûr que chaque Parisien n'aura désormais du pain que tant qu'on voudra bien permettre aux boulangers d'avoir de la farine. Comment trouver le moyen de remédier à cette foule de nécessiteux qui n'ont d'autre gage de leur subsistance que dans le luxe dépravé des grands ? Le luxe dévorateur, tout en mangeant l'espèce humaine, soutient au-dessus de leur tombeau tous ces hommes qu'il extermine. Ils meurent par degrés et non tout à coup. Louis-Sébastien Mercier, Les Tableaux de Paris. Est-ce que Paris est une ville tumultueuse ? Et est-ce qu'il y a des révoltes, des émeutes ? Il y en a. Alors, c'est très variable selon les périodes. Et en fait, c'est un peu comme dans le reste de la France. C'est-à-dire que quand on a de mauvaises récoltes qui entraînent une montée du prix du blé et donc du prix du pain, qui est quand même la base de la nourriture, eh bien, très souvent, on a des émotions populaires, comme on dit à l'époque, des soulèvements qui ne vont pas nécessairement jusqu'à l'émeute. Il y a quelques émeutes dans les années 1770, justement à un moment où on a de grosses difficultés d'approvisionnement, mais après c'est les débuts de la Révolution française qui donnent lieu à des émeutes. On trouve que cette ville extrêmement resserrée n'est pas belle, qu'elle n'est pas digne d'une capitale d'un aussi grand royaume que la France. Les maisons ne sont pas adaptées au style que l'on aimerait, que les rues sont sales. Et puis, ça amène aussi une vision hygiéniste des choses qui se développe vraiment beaucoup, surtout à partir des années 1740, avec des théories dites aéristes qui insistent sur la nécessité de faire circuler l'air. Et l'idée de cette époque, c'est de dire que l'air qui ne circule pas, qui stagne, c'est comme l'eau qui stagne, l'eau croupit, et bien l'air est porteur de miasmes qui sont mauvais pour la santé. Et donc il faut ouvrir des grandes avenues. Et donc tout ça, ce sont des idées qui se font jour dans les années 1740-50 et qui donnent lieu à un certain nombre de projets. Mais le principal problème pour la réalisation des projets, c'est l'argent. C'est une des grandes réalisations d'Haussmann de trouver le moyen de financer tout ça. Mais finalement, les projets sont déjà en germe au XVIIIe siècle, mais qui n'ont jamais pu être réalisés, puisque plutôt à la périphérie que ça se réalise, et je ne résiste pas au plaisir de citer le beau titre d'Emmanuel Leroy-Ladurie dans l'histoire de la France urbaine, qui parlait d'un urbanisme frôleur, puisqu'il n'avait jamais vraiment percé le centre de la capitale, il était toujours resté à la périphérie. Madame, est-ce que vous savez qui était Haussmann ? C'était un baron. Oh, pas du tout. C'était un ministre. C'est sous Napoléon III, c'est lui qui a fait les grandes avenues à Paris. Bah, il a cassé un peu tout le vieux Paris. Le 19e siècle sera celui d'un fantastique mouvement d'urbanisation de Paris. Si l'histoire ne retient souvent que l'action du préfet Haussmann dans la transformation de l'urbanisme parisien, l'extension de la ville commence au début du 19e siècle. Paris déborde ses limites. Sa population passe de 1 à 4 millions d'habitants. L'industrialisation transforme radicalement la ville qui devient massivement ouvrière. Depuis la Révolution, le petit peuple de Paris est perçu comme une menace par les régimes politiques successifs. Jusqu'à la Révolution de 1848, au-delà des faubourgs, l'implantation des premières fabriques industrielles et l'urbanisation progresse dans la campagne. Le quartier de la Goutte d'Or, au nord de Paris, est un exemple de cette extension de la ville. Alexandre Frondizi, vous avez travaillé sur ce quartier de la Goutte d'Or. Ce qui caractérise le quartier, c'est quand même un dédale de rues assez étroites quand même. La Goutte d'Or, c'est ça encore aujourd'hui ? Tout à fait. C'est un quartier qui le rapproche beaucoup plus du centre-ville médiéval que des nouveaux quartiers du 19e siècle, où les rues sont plus larges, avec un plan en damier, alors qu'ici on voit que c'est un réseau viaire très sinueux, en pente aussi, parce qu'il y a la butte, et donc avec d'innombrables places, points de rencontre, qui permettent aussi que l'espace public soit si vivant, puisque les gens peuvent se rencontrer à tous les angles des rues, où on a laissé la place pour les rencontres. Ce quartier populaire du 19e, il est resté populaire encore aujourd'hui. Hein. Oui. Nous sommes rue Polonceau, qui desservait les 5 moulins. Il s'appelait la rue des Moulins. Et nous avons face à nous la seule maison qui reste du 18e siècle, la maison de l'un des meuniers. Vous voyez bien que la maison n'est pas alignée. Donc il faut essayer d'imaginer un espace complètement vierge avec une maison et un moulin à côté. Donc avant le 19e siècle, il y avait 3 maisons ou 4 maisons de meunier et une 5e ou 4e maison qui s'appelait Maison de la Goutte d'Or. C'est de là que vient le nom du quartier. Dans cet espace rural, au début, disons, des années 20-30, il y a un mouvement de lotissement qui accompagne l'implantation de fabriques. Une classe ouvrière qui vient s'installer ici pour travailler dans l'industrialisation naissante, c'est bien ça. Le premier moment qui permet de savoir exactement où travaille la population de la Goutte d'Or, c'est 1848. Parce que lorsqu'il y a la révolution de juin 1848, il y a des centaines d'individus arrêtés, inculpés, et qui donc donne la possibilité de savoir où ils travaillent et dans quel métier ils travaillent. Donc qui habite cet espace en 1848? Ce sont notamment des ouvriers qui travaillent dans les nouvelles grandes usines, mais qui datent plutôt des années 40, notamment les ateliers du mécanicien François Cavé, les usines aussi de Povels, qui est un entrepreneur dans le gaz, qui spécule dans les nouvelles technologies pour illuminer Paris, mais qui est aussi un industriel mécanicien, donc qui construisent des locomotives, des bateaux, notamment pour l'État ou pour les compagnies privées. Donc il y a ces ouvriers qui travaillent dans des grandes structures, modernes on va dire, mais il y a aussi un ensemble d'ouvriers qui travaillent dans des petites structures. Et vous savez qu'à l'époque, l'industrie parisienne est notamment composée de petites structures artisanales. Dans les années 1840-1850, le quartier est établi ici. C'est déjà un quartier avec des rues qui est le fait de promoteurs. Tout à fait. C'est-à-dire que la fabrique de la ville, elle est laissée au privé ici. Ici, elle est explicitement laissée au privé. À la Goutte d'Or, les lotisseurs percent les rues là où ils veulent et ils mettent en place une politique urbaine où ils imposent à tous les acquéreurs un alignement de payer les frais de pavage, d'éclairage, d'accession à l'eau, donc des puits. Donc c'est le privé qui crée tout ce qui, pour nous, sont des aménagements publics. Ces lotisseurs font des vastes entreprises spéculatives, c'est indéniable. Quel est l'objectif ? Gagner de l'argent. Comment gagner de l'argent ? Lorsqu'on achète un grand champ de luzerne, donc des terres, qu'on vend sous forme non plus de terres, mais de terrain. Donc de terrain à bâtir. Lorsqu'on travaille finement sur les actes de vente notariés, on se rend compte qu'il s'agit surtout de lotisseurs rentiers. Pourquoi je dis cela ? Parce qu'une grande partie de leur enrichissement provient des prêts qu'ils accordent aux acquéreurs. Ce sont des lotisseurs rentiers et banquiers. Beaucoup des habitants de la Goutte d'Or proviennent du Paris intramuros. C'est-à-dire qu'ils ont fait une mobilité intra-urbaine. Et d'ailleurs, ce peuple parisien du 19e siècle, ou ce peuple grand parisien du 19e siècle, est extrêmement mobile. C'est un peuple précaire qui ne cesse de déménager en fonction de son incapacité à payer un loyer ou en fonction aussi de sa précarité professionnelle, donc du changement de lieu de travail. À l'époque, les travailleurs vont à pied au travail et sont payés pour la plupart à la journée, pour la plupart à la journée ou à la tâche, c'est-à-dire à la confection d'un produit. Et ce peuple parisien qui vient peupler ce quartier de la Goutte d'Or, il se politise, et il est organisé en fait. C'est quand même lui qui prend les armes en 1848. Tout à fait. Il faut se souvenir que les journées de juin 1848, ce sont les journées où la République devenue bourgeoise réprime dans le sang les ouvriers parisiens, qui eux défendent une autre forme de République, une République qu'ils appellent République démocratique et sociale. Donc, en juin 1848, le quartier est fermé par des barricades. C'est-à-dire qu'on coupe tous les accès au quartier pour empêcher les gardes nationales venues des quartiers bourgeois ou la garde mobile de reprendre ce bastion de la République démocratique et sociale. À travers les lures, arc-en-ciel, ma liberté. C'est pas ici où il y a eu les affrontements, c'est justement aux entrées du quartier. Les immeubles qui sont de plusieurs étages et qui dominent le mur de l'octroi permettent de tirer vers le bas sur les troupes qui remontent depuis Paris. Enfin Paris, dans ta mémoire, a retrouvé son jour de gloire. Oh, Paris, oh. Napoléon III, le futur Napoléon III, désirait surtout s'assurer contre les insurrections. Il avait suivi de près les émeutes de 1830 et de 1848 et voulait construire, avec le plan de Paris, une sorte de plan de feu permettant de limiter les dégâts commis par les barricades et par leurs desservants et par les émeutiers. C'est alors qu'on fait appel au préfet de Bordeaux, Georges Eugène Haussmann, né à Paris en 1809. On est place du Châtelet. Le projet qui a été celui d'Haussmann, c'est de construire ces deux théâtres de part et d'autre, donc symétriques de part et d'autre, de cette fontaine qui est devenue du coup le centre de la place. Florence Bourillon, historienne. Et là se situe... Et là se situe le boulevard de Sébastopol. C'est une opération d'urbanisme. Et ce boulevard, en l'occurrence, il avait une valeur très importante dans la restructuration de l'espace Alors, parisien. Le boulevard de Sébastopol, le projet date de 1953. Et il est fait surtout pour désenclaver les gares, qui sont à la fois la gare de l'Est et la gare du Nord. Donc là, on est vraiment au cœur de la démarche haussmannienne. C'est-à-dire, c'est accompagné aussi ce mouvement d'industrialisation, ces flux de marchandises. Alors, c'est à la fois ce que vous évoquez, mais c'est aussi remettre du logement et du bâti dans le centre de Paris. Donc il y avait une volonté chez Haussmann d'en finir avec une certaine ville, en fait. C'est quand même ça. Alors, il y avait certainement, et c'est ce qu'on voit dans ses mémoires, une volonté de, je cite, « régénérer la ville ». Donc ça, c'est clair que c'est incontournable dans ce qu'il en dit. C'est-à-dire qu'il estime que c'est une ville qui est en très mauvais état, ce qui d'ailleurs n'était pas totalement faux, et qu'il fallait absolument, pour moderniser la ville, et surtout, j'insiste là-dessus, pour que les gens y reviennent, et les gens s'y maintiennent et les gens y reviennent, il fallait évidemment faire des voies nouvelles et réaménager tout ça. Alors on dit Haussmann parce que c'est plus facile, c'est plus simple, et puis que c'est lui qui avait en main tout l'appareil administratif et décisionnel, mais c'est beaucoup les aspirations de Napoléon III. Hein. Et Napoléon III réintervient sur les travaux de Paris jusqu'à la fin de l'Empire. Il faut bien voir que Haussmann lui rendait visite toutes les semaines. Pas un ministre n'avait cette chance-là. Hein. Donc c'est vraiment... On peut dire que c'est vraiment une œuvre commune, en fait, entre l'empereur et Haussmann. En 1860, les Parisiens se réveillèrent le 1er janvier et se frottèrent longuement les yeux car la capitale avait subitement changé de forme au 12e coup de minuit, s'enflant de plus de 4000 hectares, adoptant 400 000 citoyens nouveaux. C'est vraiment l'extension de Paris par le fait qu'il ait annexé ce qu'on appelle la petite banlieue, entre le mur des fermiers généraux et les fortifications. Parce que là, il a dégagé du foncier de façon absolument hallucinante. C'est le doublement de la surface de Paris, c'est des capacités de financement avec des promoteurs qui se mettent sur les rangs. Enfin, il y a une espèce de dynamique là dans le développement extra-central, si vous voulez, au-delà du centre, outre-mont, outre-mur, et qui est vraiment tout à fait phénoménal. Faire un saut dans le temps, on se rend compte quand même en observant un peu le bâti ici, on voit que Haussmann a sévi en fait. Il a commencé à faire des percées dans la goutte d'or, il a tenté un peu une restructuration du quartier ici, non ? En fait, la grande percée haussmannienne qui vient modifier le réseau viaire du quartier, c'est le boulevard Barbès. Déjà debout, Madame Gervais ? Vous viendrez au lavoir ? Je vous garderai une place ! D'ailleurs, nous sommes ici. Exactement placé là où Gervaise, l'héroïne de l'Assommoir de Zola, dit en regardant vers le boulevard qu'elle ne comprend plus son quartier puisqu'elle s'étonne des immeubles luxueux qui longent cette percée haussmannienne. Donc elle ne reconnaît plus son quartier parce que la percée l'a complètement bouleversée, transformée. Donc, quelle est la raison de l'annexion officielle, en tout cas celle qui est mise en avant, c'est déjà, comme aujourd'hui on pourrait le dire sur le Grand Paris, l'idée de s'adapter à la géographie de cette agglomération. C'est-à-dire qu'il faudrait un seul pouvoir qui gère la politique urbaine de l'agglomération. Et pour Haussmann, c'est très important parce qu'il a des politiques hygiénistes très puissantes, très volontaristes, et il trouve absurde de s'arrêter au mur de l'octroi. On peut penser qu'Haussmann annexe ces communes pour essayer de mieux les contrôler politiquement, puisque ces communes s'étaient montrées si rebelles, si contestataires en 1848. Moi, ce qui me paraît le plus flagrant entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passait à l'époque, c'est cette géopolitique d'un aménagement ou d'une politique d'aménagement. Aujourd'hui, le Grand Paris est une volonté de reconfigurer les territoires. Il y avait exactement les mêmes objectifs dans la première moitié du XIXe siècle. C'est-à-dire qu'il y avait des acteurs privés et publics qui voulaient agrandir Paris, donc reconfigurer le territoire, pour des raisons financières, notamment. Et les premiers à plaider pour un agrandissement des frontières parisiennes étaient ces lotisseurs. Dès les années 1820, donc bien avant Haussmann, et même bien avant les premiers urbanistes de l'histoire contemporaine. Donc bien avant eux, les lotisseurs plaidaient déjà pour cet agrandissement. Donc Pérémont, Victor Considérant et après Haussmann diront qu'il faut mettre en place un grand Paris pour mener des politiques qui dépassent les frontières d'une ville dépassée par des phénomènes économiques, sociaux et politiques plus larges. Ce sont devenus des fortifications et les petits bistrots des barrières. C'est elles des corps. toutes les chansons, des jolies chansons de naguère. Où sont donc Julo, Nelly, Casque d'or et Petit Louis le costaud, si célèbre alors? Que sont devenus les fortifications et tout? C'était Le Grand Paris, histoire d'une expansion urbaine. Merci à Julien Avinin, Isabelle Bardiès-Fonti, Hélène Noiset, Yuri Carbonnier, Eve Etchine, Jean Boutier, Alexandre Frondizi, Florence Bourillon, Archivina, Annie Lossana. Prise de son, Fabien Gosset, Clémence Bonfils. Mixage, Bernard Laniel. Un documentaire de Nicolas Jox réalisé par Manouchak Fachaï. De fortifications, ni de petits bistrots de barrières. Adieu, décor de toutes les chansons. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous voulez revenir à Paris, bibliographie, lien, nous podcaster pour les termes, nous réécouter à Barbès, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Et demain, deuxième épisode, Grand Paris, une métropole en crise. Et pour toujours plus de documentaires, allez faire un tour sur le site de Tenk, notre partenaire, une plateforme qui propose par abonnement une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs.